vendredi 28 avril. Bienvenue à l'émission Les Différents sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10 heures. Qu'on soit plus du type chien ou du type chat, en général, ça laisse personne indifférent. Puis c'est pas pour rien aussi que les animaux sont dans les types de vidéos les plus regardées sur le web. Et puis, même que en 2014, sur YouTube, on répertoriait, puis en 2014, ça fait quand même 3 ans de ça, on répertoriait 2 millions de vidéos de chats et 26 milliards de vues. Donc, on les aime, les petits animaux, on aime les vidéos aussi qui viennent avec, puis on a fait une étude à partir de ces types de vidéos-là sur 7000 participants qui démontraient que de regarder ce genre de vidéo calmait l'anxiété, donnait de l'énergie, rendait plus heureux aussi. Et puis, l'auteur de l'étude allait même qu'à comparer à une forme abordable de zoothérapie. Donc, c'est pas rien. Et puis, pour nous parler de ces petites bêtes-là qu'on aime tant, on va recevoir un peu plus tard June Gormley de la SPA de Québec. Mais pour tout de suite, je viens de mentionner justement en intro des bienfaits des animaux, qu'est-ce que ça faisait en fait sur l'anxiété. Mais mon invité est mieux placé que moi pour nous en parler et pour savoir concrètement et voir les résultats. Mélissa Robitaille, bonjour. Bonjour. Toi, tu es zoothérapeute. Oui, c'est ça, zoothérapeute et éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée aussi. Oui. Une zoothérapeute. Est-ce qu'on peut avoir un peu une définition de la zoothérapie? On sait, bon, les bienfaits, mais c'est plus loin que ça quand même. Oui, effectivement. Je dirais que la zoothérapie, je ne me lancerai pas dans une grosse définition ce matin parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon différente, puis je ne veux pas non plus dénigrer peu importe quelle façon les gens utilisent. Mm-hmm. Je vais plus parler de moi, comment je travaille, mais sachez qu'il existe plusieurs autres façons aussi de travailler en zoothérapie. Donc, en fait, moi, comment je travaille en zoothérapie, c'est certain qu'on part du principe que les animaux apportent des bienfaits physiques pour monter des interventions, en fait. Donc, moi, comment je travaille, quand les clients viennent me voir, que ce soit des parents ou des établissements, on regarde ensemble c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler. Un coup qu'on sait qu'est-ce qui sont leurs besoins, en fait. Là, moi, ça me permet, si c'est dans un établissement, de monter un programme avec incluant les animaux pour aller atteindre ces objectifs-là. Donc, sinon, quand c'est au privé, ben là, je m'installe avec les parents. On monte le plan d'intervention de la même façon qu'on fait, en fait, avec les intervenants dans les établissements. C'est juste que j'apporte un plus grand support parce que devant moi, c'est des parents et non d'autres intervenants. Et c'est ça, la même chose, on monte un plan d'intervention et après ça, les animaux sont activement impliqués dans les séances d'intervention. Donc, Mais tu parles d'intervention, je m'excuse, je ne veux pas te couper. C'est quoi exactement un plan d'intervention pour résumer aux auditeurs? Oui, oui, oui. Un plan d'intervention, en fait, souvent les gens en entendent parler plus dans les écoles, au CRDI, à l'IRDPQ. Les gens qui côtoient ces milieux-là en entendent plus parler, mais en fait, c'est simplement un plan de match pour diriger nos interventions. Donc, exemple, qu'on a quelqu'un qui voudrait travailler l'expression de ses émotions parce que c'est difficile à la maison, dans les autres milieux, bien nous, c'est simplement un plan de match où on va donner un objectif qui est plus général. Okay. Donc, exemple, le but ultime de tout ça, je sais pas moi, Jérémy améliorera ou bien augmentera, voyons, j'ai de la misère à parler, exprimera ses émotions davantage, exemple, ouais. Avec deux objectifs plus spécifiques qui vont dire exemple, quand il va vivre une grande émotion, il va... là, je dis ça vraiment grossier pour que ce soit compris. Là, ici, il y a plus de critères que ça. C'est le but aussi, aux différents, de vulgariser les sujets, puis tu le fais très bien. C'est ça. Fait qu'en fait, après ça, on a deux objectifs spécifiques qui vont avoir... exemple, à chaque fois qu'il va vivre de la colère, il va l'exprimer 3 fois sur 4. On se met aussi comme un petit deadline de savoir à quel moment les objectifs vont être atteints, on va pouvoir travailler sur autre chose. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu ça, le but du plan d'intervention. Là. Comme je disais, je l'ai vulgarisé pas mal, mais il y a beaucoup c'est des critères plus fixes que ça. C'est juste que ça nous sert de ligne directrice pour aller atteindre les objectifs des clients. Parce que quand on n'a pas ça, des fois, on a de la difficulté à, t'sais, on a l'impression qu'on se jette un petit peu de chaque bord et qu'on est moins dirigé là, vers notre objectif. Donc, c'est ça que je parle quand je dis plan d'intervention. Donc, c'est vraiment ça qui va guider nos interventions. Mm-hmm. Donc, moi, autant en éducation spécialisée qu'en zoothérapie, je travaille avec le plan d'intervention. Donc, ensuite, la différence avec quand je travaille en éducation spécialisée, c'est que l'animal est activement impliqué dans le moyen d'intervention qui est la séance. Donc, au lieu de travailler l'expression des émotions avec un livre ou avec des pictos, peu importe, ils peuvent aussi être présents, là. Des fois, je les implique avec les animaux, mais par exemple, des choses que j'ai faites avec des enfants, on pouvait faire des mises en situation avec le chien. Donc, l'enfant devait exprimer ses émotions au chien dans les mises en situation. Donc, ça, c'est un exemple, un bref exemple plus facile, là, mais ça peut aller super loin, là, peu importe c'est quoi les objectifs, là, tout ce qui se travaille en éducation spécialisée peut se travailler en zoothérapie aussi. Là. Moi, c'est vraiment un complément à mon métier, en fait. Là. Toi, tu travailles plus parce que je sais aussi que ça se fait avec les personnes âgées. J'ai vu dans les CHSLD, même l'été passé, j'ai été faire un tour dans un CHSLD où est-ce qu'il y avait une place vraiment pour les animaux, où est-ce qu'il y avait des oiseaux, des lapins, il y avait un peu de tout. Puis, il y a le côté avec les personnes âgées que ça sort de, que ça brise l'isolement, tout ça. Il y a avec les enfants aussi qui ont des TDAH, qui ont différents troubles de comportement, tout ça. Avec qui tu travailles exactement, toi? Est-ce que c'est vraiment avec tout le monde? Parce que j'ai vu, parce que t'as passé aussi dans le journal, on t'a vu avec un de tes accompagnateurs, puis t'aides les gens chez le dentiste aussi. Oui, donc, c'est ça. C'est varié ce que tu fais. Oui, c'est vraiment varié. En fait, moi, ce que j'aime vraiment avec mon entreprise, c'est innover. Donc, faire des choses qui n'existent pas ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Puis essayer de faire connaître la zoothérapie pour plus que ce que c'est connu en ce moment, en fait. Tu sais, de voir que, oui, tu sais, c'est vrai qu'il y a des bienfaits physiques à juste côtoyer les animaux. Ils sont là, il y a des études là-dessus, c'est vrai. Mais ben, même en vidéo. C'est ça. Puis, tu sais, de voir aussi qu'impliquer dans des interventions, tu sais, dans des activités, moi, il y a toujours des activités qui vont travailler nos objectifs, là. Donc, quand j'arrive, tu sais, ça peut être très le fun, là. Comme je disais tantôt, j'enlève rien à d'autres styles d'intervention, mais nous, on veut plus que juste flatter. Donc, on va faire vraiment des activités qui sont montées pour aller travailler nos objectifs. Donc, puis comme je disais tantôt, vu que j'aime innover, ben moi, j'ai parlé justement avec une dentiste que je connaissais à Donnacona, qui est la clinique dentaire Sarah Leclerc. Et elle a tout de suite embarqué dans le projet. Fait que c'est sûr. Là, ça demande une ouverture, là. Oui, c'est ça, c'est certain. J'ai vu aussi quand l'article a été publié dans le journal, il y avait des gens qui avaient des doutes sur tout ça, mais il ne faut pas s'inquiéter. On a vraiment, avant d'ouvrir ça, on a vraiment fait des démarches. On a rencontré aussi, on a parlé par téléphone avec ceux qui le font à Montréal. Mm-hmm. Parce que l'ordre des dentistes aussi, c'est normal. Ils ont tout le côté hygiène qui est super important. Donc, on a un protocole là, très précis pour être certain. Déjà, eux autres, les dentistes, les hygiénistes dentaires, ils ont déjà un protocole d'aseptisation pour que tout reste propre. Et c'est la même chose, c'est juste que là, on amplifie pour être certain que tout est correct partout dans la clinique. Et aussi, il y a toujours une pancarte qui est mise pour les allergènes, pour pas que ceux qui ont des allergies, on s'arrange pas que ça se croise et tout ça. Mais tu sais, en même temps, il faut pas oublier aussi que si on va dans un centre d'achat qui a une exposition canine, tu sais, même si on passe loin. Ou même les chiens d'assistance aussi peuvent aller. C'est si ça. La personne a besoin d'aller chez le dentiste, ben elle a pas le choix d'amener son chien avec elle aussi. Là. Exactement. Puis justement, ils en ont eu dernièrement. Puis tu sais, ils disaient que c'était vraiment différent de... parce que souvent, c'est des labradors, des chiens comme ça. T'sais, moi, je vais avec un shih tzu. Fait que là, c'est tout petit. Il savait pas trop comment gérer le labrador dans la salle. Là, mais non, c'est puis des beaux comment ça. Donne-moi un exemple à peu près de ce que ça peut ressembler, admettons, chez le dentiste. Où est-ce que tu arrives avec le petit shih tzu qui est là avec toi? Oui, en fait, normalement, là, c'est sûr que j'arrive toujours un peu d'avance pour préparer mes choses. Mais après ça, on se rejoint dans la salle avec... ben là, pour le moment, j'ai eu beaucoup d'enfants. Fait que je vais dire enfant juste pour pas mélanger tout ça. Oui. Donc, l'enfant vient dans la salle, je présente le chien. Donc, là, vraiment, tu sais, j'essaie de... Parce que là, c'est certain que si ce serait avec un client autiste, ça fonctionnerait un peu différemment. Souvent, on se rend compte avant à cause de la rigidité, de la nouveauté qui ont besoin d'être plus stable. Mais quand c'est un enfant, j'aime pas dire ça, mais je veux dire du régulier, on se rend compte pour la première fois à la clinique. Donc, j'essaie de créer un petit lien, de mettre l'enfant en confiance, tout ça. Puis ensuite, l'enfant s'assoit sur la chaise. Le chien s'installe soit à côté sur la chaise ou soit dessus, là, tout dépendant de la grandeur de l'enfant. Ouais. Après ça, moi, pendant le rendez-vous, j'essaie vraiment de ramener l'enfant à l'animal. Donc, exemple que le dentiste s'apprête à faire une piqûre, peu importe, ben moi, mm-hmm. j'essaie de... Ah, oh, regarde, essaye de flatter la queue du chien, essaye de flatter les pattes, la tête, t'sais, de vraiment ramener... Tu sais, même s'il y a la tête vers le haut, en fait, de le ramener à l'animal. Mm-hmm. Donc, c'est tout le volet aussi... il y a aussi les mains. Diriger l'attention plus c'est vers ça. L'animal que ce qui se passe chez le dentiste. C'est ça, exactement. Tu sais, ça se passe quand même dans le haut. Ouais. Mais, puis aussi, tu sais, tous les volets qu'on parlera plus tard, les bienfaits physiques, tu sais, l'apaisement qu'apporte l'animal qui est couché le long d'elle. Donc, il y a beaucoup de... Mm-hmm. Honnêtement. Ben, justement, on va prendre une pause, puis on va aller en musique, puis on va revenir, on va parler des bienfaits. Et puis, c'est pas n'importe quel animal. Comment tu les choisis? Ça aussi, je veux le savoir. Oui, oui, oui, parfait. On revient tout de suite. Oui. On est de retour aux différents. Et puis, ce matin, on parle de nos petits animaux, des bienfaits que ça apporte, de zoothérapie. Et puis, j'ai avec moi Mélissa Robitaille, des services d'intervention Mélissa Robitaille. Et puis, on parlait avant la pause, justement, de ce que ça fait qu'on... Je voulais savoir, en fait, les bienfaits. On en entend parler, oui, le stress qui est diminué, l'anxiété, tout ça. Mais il y en a d'autres aussi, d'autres bienfaits qui viennent avec la zoothérapie ou juste côtoyer un animal. Oui, c'est ça. En fait, il y a tous les bienfaits physiques aussi, là, qu'on entend beaucoup parler, justement, dans les études qui ont été faites. Ils montraient que quand un animal à la maison, il y a des certains bienfaits physiques qui sont... ressorti, en fait. Donc, pour ce qui est des bienfaits physiques, là, tu sais, j'en connais quelques-uns. Puis comme je te disais déjà quand on s'est parlé au départ, je suis pas une scientifique, donc tu sais, je connais les bienfaits physiques, tu sais, sur comment ça fonctionne un petit peu dans le corps, parce que ça fait partie de mon travail. Ben, il faut que ça. Je sache sur quoi me baser pour travailler aussi. Parce que, comme je disais tantôt, je pars de ces bienfaits physiques-là. Parce que pour situer les gens, il y a quand même une formation qui est donnée aussi, puis toi, tu l'as suivie dans le coin de Montréal. Est-ce que c'est Zoothérapie Québec? Non, moi, c'est pas Zoothérapie Québec. C'est l'École internationale de zoothérapie. Okay. En fait, c'est ça, il y a des écoles à Québec aussi. Là. Moi, j'ai choisi celle-là parce qu'il y avait justement le volet entraînement des animaux pour faire des partenaires thérapeutiques. Aussi parce que j'aimais... c'est une formation de 1000 heures. Donc, tu sais, je l'ai faite sur un an et demi environ. Donc, je trouvais qu'on avait le temps de cheminer. C'est simplement pour ça que j'ai choisi celle-là, mais il y en existe d'autres à Québec. C'est beaucoup d'heures, puis c'est pour ça aussi que... Tu vas être capable de situer les gens aussi sur les bienfaits. Parce que, oui, c'est puis ça. Puis tu connais ton travail. Là, oui, oui, oui, c'est certain. Donc, si on y va sur les bienfaits physiques, ce qu'on entend parler en général, là, il y a la baisse de la pression artérielle donc qu'on entend parler. Donc ça, c'est vraiment physique. Là. Comme je vous disais, je ne pourrais pas vous expliquer tout ce qui se passe derrière, mais c'est des choses qui ont été remarquées. Le déclin de l'activité du système sympathique aussi, donc qui amène la réduction du stress parce que ça contrôle les battements du cœur et les contractions musculaires. Il y a aussi la réduction du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, l'augmentation du taux d'oxytocine, qui ça, c'est l'hormone anti-stress. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on voit qui sont remarquées, en fait, chez les gens qui côtoient régulièrement les animaux. Donc, moi, des fois, ce que je dis aux gens qui recherchent vraiment les bienfaits des animaux dans les séances de zoothérapie, c'est si on se voit une fois par mois, les bienfaits, c'est pas pareil. Là. Fait que plus on se voit sur une base régulière, plus il y a des chances que les bienfaits physiques fassent leur part là-dedans. Là. Mais est-ce qu'il y en a au bout de la ligne qui décident d'adopter parce qu'ils se disent, ben écoute, j'aime ça, moi, la présence d'un chat ou d'un chien ou d'un oiseau, peu importe? Je dirais que beaucoup de gens qui font affaire avec moi, en fait, quand je pense à ma clientèle autistique, j'ai rencontré aussi beaucoup de familles au Salon de l'autisme de Québec il y a quelques semaines. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente pour un chien Mira. Qui est quand même compliqué aussi le temps d'avoir accès à ces chiens-là. Mais les gens, ils trouvent, OK, j'ai 3 enfants, j'ai un enfant autiste. Est-ce que je suis prêt à m'occuper d'un chien à la maison? Un animal, moi, j'arrête pas de dire c'est un enfant de plus. Ouais. Ça prend quasiment le même temps, honnêtement. Là. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai beaucoup d'animaux, puis ça... Je suis très, très occupée. Mais t'en as combien, au juste, avec qui travaillent avec toi? Est-ce qu'ils travaillent tous avec toi? C'est pas tous mes animaux qui travaillent avec moi. Nous, à la maison, là, on a les chevaux aussi. On a 6 chevaux, dont 4 chevaux, 2 poneys, en fait. Donc, pour éventuellement faire de l'équitation thérapeutique, c'est dans nos projets, là, éventuellement. Sinon, moi, j'ai 2 lapins, j'ai un furet. On a 3 chiens aussi à la maison. Mais comme je disais, c'est ça. C'est une mini-ferme, ouais. C'est ça, là, il y a l'intervention de jour, puis il y a aussi tout ce que les gens voient pas le soir, tu sais, ces animaux-là, on les met pas dans un placard, c'est fini, là, tu sais, ils ont des besoins, ils ont une vie à vivre aussi. Donc, on embarque là-dedans après la journée, puis c'est la routine, là, mais puis, vraiment. Donc là, on a la pression artérielle qui descend. Ouais. On a, ben, l'anxiété, tout ce qui vient avec. Quel autre bienfait qu'on peut entendre, physique ou psychologique? Oui, c'est ça. Ben, je vais y aller plus. Là, j'ai parlé un peu des bienfaits physiques de base. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que on voit en fait que les animaux sont une source d'affection inconditionnelle. Donc, eux autres, ben, ça dépend. Tu sais, je dis ça, mais un animal qui a peur des humains, ça va être différent. Mais c'est pour ça qu'on sélectionne nos partenaires aussi. Sinon, on a aussi remarqué que les animaux, il y avait vraiment une incitation à l'authenticité et à la spontanéité. Donc, quand on est avec les animaux, on vit plus le moment présent. Donc, on se rattache à ce que l'animal fait en ce moment, ce qui nous amène vraiment à vivre plus dans le moment présent. Il y a aussi toutes les notions de présence apaisante et sécurisante qu'apportent les animaux. Moi, je vous dirais que le gros plus que j'ai dans mes interventions, quand j'essaye de vendre mes projets à des milieux, tout ça, c'est la motivation. Donc, quelqu'un qui aime l'animal, tu sais, quand je pense dans un centre de réadaptation physique, par exemple, quelqu'un qui doit se réhabiliter parce qu'il a fait un accident d'auto puis il est plus capable de marcher, des fois, il y en a que niveau moral, c'est zéro, là. Fait qu'ils n'ont pas la motivation puis ils voient pas pourquoi ils devraient enclencher un processus pour la réadaptation. Tandis que nous, si on vient intégrer l'animal puis on vient amener une motivation de plus aussi à cette personne-là. C'est OK, ça me tente pas vraiment de faire ces exercices-là parce que maintenant, je peux plus marcher, j'ai perdu des capacités, peu importe. Mais là, on vient vraiment augmenter la motivation, puis souvent, on voit vraiment une plus grande implication de la part des clients dans leur suivi, là. Donc, moi, c'est mon gros. Il y a beaucoup d'autres choses que je vais vous dire aussi. Déjà, les gens se sentent pas jugés. Oui. Déjà, ça doit avoir un gros impact sur la réhabilitation, par exemple. Oui. Ben, je suis pas capable de marcher comme je marchais avant mon accident, par exemple. Ben, après ça, pendant la réhabilitation, la réadaptation, ben, l'animal m'accompagne, puis c'est comme un coach. Oui, exactement. Puis là, on parlait aussi de non-jugement, là, quelque chose qui est vraiment facilitant pour nous, les zoothérapeutes, en fait. On arrive dans un milieu où, tu sais, souvent, on sait des fois les clients dans des milieux plus à difficulté. Il n'y a pas toujours, tu sais, les intervenants, ils font leur mieux, mais des fois, les clients peuvent être fermés. Mais nous, la chance qu'on a, c'est d'arriver avec un animal. Donc, du coup, ils font un peu le lien entre, inconsciemment, que l'animal ne les juge pas, donc la personne qui est avec aussi. Fait que souvent, ça facilite vraiment beaucoup notre lien. Là, en fait, on appelle ça la synergie triangulaire, nous, dans notre langage, qui veut dire qu'on passe par l'animal pour créer un lien avec la personne. Ben qui, honnêtement, dans ce que j'ai vécu pour le moment, des fois, les liens, ils se créent à une vitesse que tu te dis, crime, c'était supposé être pas mal plus difficile que ça, puis finalement, ça fait une heure que je suis avec, puis il me semble que ça a été vraiment merveilleux. Là. Donc, mais déjà, juste de se promener avec son chien, moi, je sais, quand je me promène avec, je les appelle mes deux filles, quand je me promène avec elles, veux pas, les regards des gens, ça sociabilise aussi, ça sort de l'isolement. Pour les personnes âgées aussi, ça aide aussi les animaux à sociabiliser parce qu'on se promène, admettons que la personne âgée a un petit chien ou un lapin, ben c'est sûr et certain, les autres vont venir, que ce soit les autres résidents, les visiteurs, admettons qu'on parle d'un CHSLD comme ce que j'ai vu, ben c'est sûr et certain, les autres viennent la voir, viennent parler, puis ça brise l'isolement. Ces animaux-là sont bien beaux, mais comment on les choisit? On peut pas choisir tous ces animaux-là qu'on rencontre pour travailler avec nous sur le terrain? Non, certainement. Parce que ben, j'ai vu Zoothérapie Québec à Montréal, en fait, un type de garderie où est-ce que tu vas porter ton animal sur place et ton animal, s'il a été sélectionné, s'en va travailler toute la journée et le soir, tu retournes le chercher. Puis lui, il a fait de la zoothérapie, il a rencontré du monde avec des intervenants. Ça, c'est le fun, mais c'est pas tous les animaux qui peuvent le faire, ça. Puis c'est pas tous les animaux. Puis ça, on n'en a pas non plus à Québec. Hein. Une petite parenthèse, on serait bien d'avoir ça, une espèce de garderie à animaux qu'on peut. Mais je pense qu'il y en a aussi, Zoothérapie Québec, qui ont un point de service à Québec, il me semble aussi. Je sais pas si on peut aller les porter, ça serait bien. Si les auditeurs le savent, informez-nous, ben, ça serait vraiment bien. Mais sinon, comment tu les sélectionnes? Parce qu'ils sont pas tous à toi aussi. Comme le petit chien qui va chez le dentiste avec toi. c'est pas le tien. Non, c'est pas le mien. Donc, c'est sûr qu'il y a un... Tu sais, moi, comme je disais plus tôt, je suis pas formée en comportement animal, mais une des raisons pourquoi j'ai choisi ma formation, c'est parce qu'il y avait un très gros volet comportement animal. Donc, tu sais, on a eu, exemple, 6 journées complètes sur le chien et plusieurs autres en deuxième année aussi. Là, je pourrais pas vous dire le nombre exact, c'est approximatif. On en a eu sur les oiseaux, sur les chats, les furets, les lapins, on a eu des cours, pas juste de comment les utiliser, j'aime pas dire utiliser, je me reprends, comment travailler avec eux en zoothérapie, mais plus aussi comment on fait pour que ces animaux-là soient heureux dans leur travail, heureux à la maison, puis qu'on puisse répondre à leurs besoins aussi. Donc, à travers ça, mettons qu'on regarde un petit peu c'est quoi les styles de critères qu'on observe, parce que nous, on a une grille là, d'évaluation. Puis aussi, quand on a des petits doutes, là, moi, des fois, je fais affaire avec des personnes qui travaillent en comportement canin que je connais ou t'sais, j'ai téléphone pour avoir des informations de plus. Mais vraiment, les critères de base qui est important quand tu essaies de trouver un animal, parce que moi, en fait, oui, j'ai des chiens de mon entourage aussi que je voyais, que je côtoyais, que je savais que ça pourrait être des bons partenaires. Mais c'est ça, c'est plus complexe que ça parce qu'il y a des bons chiens à la maison, mais il y a aussi tu sais, un chien de zoothérapie, c'est différent aussi Ben parce oui. qu'il y a beaucoup de... Il est sollicité de tous bords, de tous côtés, puis il peut C'est ça. rencontrer d'autres chiens, d'autres chats, C'est ça. peu importe, là. Ouais. Un chat qui est pas sociable, on peut pas partir avec, Ouais, là. puis justement, les chats, c'est Ça très doit être complexe de difficile. travailler avec les chats. Ça demande beaucoup de temps qu'on n'a pas toujours en tant que zoothérapeute. Je sais qu'il y en a à Québec qui travaillent qu'avec les chats, mais les chats étant très territoriales, ils sont pas toujours bien là-dedans de se faire transporter à gauche puis à Puis droite. changer de territoire, C'est ils aiment ça. pas bien ben ça, Les hein. autres aussi, il faut faire attention. Puis tu sais, on parlait tantôt, je sais pas comment ils fonctionnent à Zoothérapie Québec, probablement qu'ils font attention à ça aussi, mais les animaux ont aussi, je sais pas comment dire, une limite, là. T'sais, ils peuvent pas travailler 5 jours toute la journée. Non, Moi, non. mes partenaires, quand ils ont fait 1 heure ou 2 dans une journée, après ça, je change pour le reste de la journée. Puis, tu sais, je les fais pas faire plus que 2, 3 chiffres dans la semaine, là. Parce que je veux que ça reste un plaisir de travailler. Puis moi, s'ils n'ont pas de plaisir, ils viennent pas avec moi, là. C'est ce que je t'expliquais aussi la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais si on va plus sur les critères de sélection, c'est sûr qu'on regarde... T'sais, niveau de sensibilisation, comment il réagit quand on l'approche. Premièrement, quand moi je rentre dans la maison, la façon que l'animal réagit en me voyant, c'est comment il va, parce que là, il me connaît pas au départ. Donc, c'est la façon qu'il va réagir à chaque fois qu'il va rencontrer des nouvelles personnes, puis encore plus dans le sens que là, je rentre sur son territoire. Donc là, on a appris comment regarder tout ce qui est les signaux d'apaisement, voir comment il se sent quand une nouvelle personne rentre dans son chez-lui. Avec ses propriétaires aussi, parce que les propriétaires ne viennent pas avec nous par la suite, donc ça nous donne des bons indices. Fait que c'est beaucoup dans l'observation, là, je vous dirais. C'est sûr qu'on teste aussi des différents sons, voir à quoi il réagit, qu'est-ce qu'il aime moins, qu'est-ce qu'il aime plus, aussi comment il joue. Oui, donc quand il joue, est-ce qu'il essaye de. Exemple, qui vient chercher une balle, est-ce qu'il est vraiment excité puis il passe proche à attraper nos doigts? Donc, c'est toutes des choses qu'on regarde. Les objets, si des objets tombent, des fauteuils roulants, comment ils réagissent, des cannes, des... Ouais, il y en a qui réagissent des fois. Même, il Ouais. y avait un chien que je voyais aller à un moment donné. Il avait peur des gens qui portaient des tuques. Ouais, ça, c'est très, très fréquent, C'est honnêtement. fréquent. Ouais. Ben, c'est ça. S'il arrive dans une place, puis la personne qui est censée aller aider ou aller accompagner, mais ben, a une tuque, puis il trippe pas ses tuques, on n'est pas bien Mais parti, là. ça, de base, là, c'est peu connu, Mais en ça, faut fait, les là. savoir, là, ces Ouais, choses-là. Faut vraiment mais connaître l'animal, c'est ça. Mais j'imagine. avec tous les animaux, en fait, quand on va rencontrer un animal, il faut savoir que les animaux, ils se fient beaucoup à notre visage. Tu sais, quelqu'un qui fixe, déjà, c'est plus intimidant. Quelqu'un qui cligne pas des yeux, c'est plus intimidant. Ben oui. Quelqu'un qui a un chapeau, c'est très intimidant. Mais ça, des fois, tu le vois pas avec les chiens qui sont moins nerveux. Mais moi, quand je pense à mon chien à moi, que j'ai acheté il y a 3 ans, que j'étais certaine d'aller faire de la zoothérapie, quand j'ai fait mes cours, je me suis dit, OK, elle est peut-être pas bien là-dedans, mais ça reste mon chien, c'est ma préférée. Ben Sauf que, oui. pour le moment, elle travaille pas avec moi parce qu'elle est nerveuse en présence des hommes, exemple, en présence des voitures. Mais quand les gens arrivent, c'est la première chose que je leur dis, si ils ont une casquette ou des lunettes, enlevez-les parce qu'elle peut pas voir votre visage, elle voit pas c'est quoi vos intentions. Donc, justement, ça, de base, c'est des éléments très importants à savoir, là. Reste que, justement, quand je vais voir les animaux, je le teste, savoir s'il réagit comment, si j'ai des lunettes, si j'ai un capuchon, parce que ça peut arriver dans nos milieux, on peut pas décider de tout ce qui va arriver autour, donc tout peut arriver. On vérifie aussi la sensibilité. voir, tu sais, quand j'y touche les pattes, quand j'y touche les oreilles, quand j'y touche le dos, les fesses, comment il réagit, est-ce qu'il est à l'aise là-dedans. Aussi l'éducation de base, des fois, tu sais, de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais je dis ça, mais moi, mon petit Gaston qui vient avec moi à la clinique dentaire, faisait rien de tout ça. Mais sa personnalité, c'était la meilleure. Tu sais, tout le reste me plaisait, donc on lui a juste appris. Dans les séances. Fait que maintenant, il fait son assis, couché, vient. Mais tu sais, je pouvais pas laisser passer un partenaire comme lui parce que justement, la clinique, les bruits, il y avait rien qui le stressait. Moi, je me préparais, on va faire de la désensibilisation, c'est normal. C'est des bruits non connus des animaux, mais lui. En terminant, un dernier, je pense que tu avais une dernière qualité avant la pause. Oui. Je peux vous. Là, comme j'en aurais plein d'autres, mais je vais essayer de voir lequel qui serait le plus important. Ça pourrait être. Ben là, j'ai parlé de ça. Ça. Ben, justement, les qualités, c'est vraiment que l'animal soit le plus ouvert possible, là, qu'il soit vraiment calme aussi. Oui, Le c'est. côté calme, Mais tu pas parles? nécessairement calme, Non? je vous dirais, parce que j'ai des chiens qui sont super actifs. Non, mais actif, mais quand même pas nerveux. On Non, pourrait c'est aller ça, là-dedans. nerveux, oui, non. Nerveux, c'est important parce qu'on veut pas justement des chiens qui ont peur de sortir parce que c'est pas facile pour eux. Ils vont dans des milieux différents, avec des gens différents qu'ils connaissent pas. Fait que c'est sûr que Faut qu'ils l'élément, là. s'adaptent rapidement. Ouais, Ça, c'est ça, exactement. Puis nous, on les sort aussi. T'sais, moi, je vais les voir, puis quand ça fait mon affaire, après ça, on sort. T'sais, je les vois plusieurs fois, je crée un lien avec eux parce que c'est important. Je vais être leur référence en dehors. Fait Ben que c'est oui. pour ça que je les amène dans beaucoup de milieux, voir comment ils réagissent avec telle personne, avec telle clientèle. Parce que chaque animal fait pas toutes les clientèles non plus. Donc là, je pourrais en parler super longtemps, là, mais On va aller en pause, ouais. puis on va revenir, et puis va s'ajouter à nous June Gormley de la SPA de Québec, et puis on va continuer avec Mélissa Robitaille aussi au retour de la pause. On est de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 h. Et puis ce matin, on parle des animaux, on les aime. Ben, pas tout le monde qui en a, mais quand même, on en côtoie toutes. Ou sinon, on les regarde sur les vidéos, comme je disais en intro. On va les voir en vidéo, puis ça nous apaise, ça nous calme, à ce qui paraît. J'ai avec moi Mélissa Robitaille, zoothérapeute, avec qui on a parlé, on a passé la première demi-heure, et s'ajoute à nous June Gormley de la SPA. Bonjour. Bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, ça va bien. Je t'ai pas ouvert le bon micro, désolée. On parle de la SPA ce matin, on parle des animaux en général, parce que, ben, pourquoi ne pas faire une émission sur eux? La SPA, c'est votre mandat premier, ça c'est sûr et certain. On se posera pas la question. C'est combien d'animaux environ par année que vous recevez? Depuis les quelques dernières années, là, en fait, depuis février 2015, c'est environ 4 500-5 000 animaux qu'on va recevoir à chaque année à la SPA. Et c'est énorme. Puis ça, on parle d'abandon, on parle de que ce soit abandon pour des causes d'allergie, déménagement, ces choses-là. Oui, exactement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens abandonnent des animaux chez nous. Ils peuvent tous être plus louables les unes que les autres. Il y a souvent des gens qui ont vraiment un besoin là, qui ne peuvent pas les garder, qui sont dans l'incapacité de les replacer eux-mêmes, où il y a une urgence, l'animal doit sortir rapidement de leur foyer pour des raisons de maladie, un parent qui est décédé, qui était propriétaire de l'animal, un enfant qui est très malade, un nouveau conjoint qui entre qui est extrêmement allergique aux chats, on le voit régulièrement, des problèmes financiers, déménagement, malheureusement, ça arrive encore, où les gens adoptent, ils ne pensaient pas que l'animal deviendrait aussi gros, aussi prenant, qu'il y aurait autant d'énergie aussi, c'est une autre des raisons. Puis on a toujours aussi, c'est sur le service d'abandon, Même puis ça. les animaux trouvés aussi qui rentrent chez nous des 15 municipalités qu'on a à contrat. Mais il me semble justement, tu viens de me dire, l'animal, je pensais pas qu'il était si gros que ça, Ouais. puis je m'en débarrasse. Il me semble c'est la responsabilité un peu de la personne qui vend. Là, j'aime pas ce terme-là Qui pour fait les adopter, animaux, mais disons, qui là, fait ouais, chez nous, on adopter, préfère adopter, ouais. ouais, ben c'est ça. Il me semble c'est la responsabilité aussi de se renseigner. Comment à la SPA vous faites pour justement qu'il y ait des bons matchs chez vous entre les adoptants et les adoptés? Mais en fait, on a toujours quelqu'un là, qui est au comptoir des adoptions, là, si je peux dire, mm-hmm. Qui va renseigner les gens, qui va essayer de les sensibiliser à c'est un jeune chiot, un jeune chat, c'est un animal qui va peser environ tant de livres à l'âge adulte, c'est un animal qui a de l'énergie, on préfère ne pas le mettre avec des enfants, il serait mieux chez des personnes âgées. On essaie vraiment de discuter avec le client pour connaître ses besoins, voir ce à quoi il s'attend, le temps qu'il va avoir à mettre pour l'éducation, l'entraînement, les frais aussi que ça amène, le style de vie de la personne. Des gens qui rentrent pour adopter un chien repartent avec un chat parce qu'on les a un peu convaincus, entre guillemets, que c'était peut-être pas le type d'animal qui était fait pour eux, là, puisqu'ils vont en voyage trois fois par année. C'est plus ça, facile de faire garder Minou que... Les horaires de travail tout. Aussi. Oui, exactement aussi. Oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont changer d'horaire ou qui ont un travail un peu moins fixe. C'est plus difficile. Quelqu'un qui travaille de nuit, quelqu'un qui... Tu vas aller promener ton chien à 8 heures le matin quand t'as fait ton chiffre, puis des fois, c'est plus difficile quand que de vivre sur le même horaire que tout le monde. Là, toujours sortir ton chien du soir qui passe la journée entière complètement à l'intérieur. C'est sûr que la majorité des gens là, vont voir un animal, ils vont quitter à 7 heures le matin, ils vont revenir à 5h, 5h30. C'est un peu la norme là, pour les chiens, les chats aussi. Mais les animaux apprennent à vivre dans le rythme de vie de la personne. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une base là, quand l'animal est chiot pour être capable de le mettre propre, des choses comme ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a quand même des étapes à suivre. Mais oui, c'est important là, d'être conscient de ça. Bien, justement, les deux, vous connaissez les animaux. Est-ce que c'est le même processus, un peu comme avec la zoothérapie, avant de choisir un animal, tu avais plein de critères que tu me disais, Mélissa. Est-ce que avant de choisir le maître aussi, vous faites une série de critères de voir l'animal, le comportement avant? Ouais, nous, à la SPA de Québec, on n'a pas nécessairement une feuille. Il y a des SPA qui sont beaucoup plus loin des refuges, aussi des petits refuges maison qui vont beaucoup plus loin que la SPA de Québec. Nous, on n'a pas nécessairement rien d'écrit, mais il y a beaucoup de discussions qui se font avec les gens. Là. Mm-hmm. Quand ils arrivent, ils sont décidés, ils ont déjà eu, par exemple, des chiens ou des chats, puis ils ont perdu leur animal, ça fait quelques mois, ils se sentent prêts, ils viennent voir les animaux. Il y en a qui reviennent 10, 12, 15 fois, des fois, voir les arrivages, entre guillemets, là, les nouveaux animaux à l'adoption. Mais c'est certain qu'il y a toujours beaucoup de discussions. Là. Nous, on va répondre à toutes les questions. On va argumenter selon ce qu'on connaît sur l'animal pour essayer vraiment de le placer. Mais oui, il y a des gens qui ont beaucoup d'exigences. Il y a des gens qui ont des exigences pour avoir des animaux de maison en zoothérapie. C'est différent parce que tu as besoin d'avoir certains critères fixes. T'sais, l'animal, faut qu'il soit apte à plein de situations, qu'il soit désensibilisé aux trains, aux autos, aux camions, aux enfants, différentes choses comme ça. Casquette, je vous entendais parler tantôt parce que c'est des choses qu'on voit, qu'on vit aussi à la SPA, mais les critères, il y a des gens qui ont parfois trop de critères, par exemple. Ils viennent chez nous puis disent ben moi je veux un chien qui jappe pas, qui perd pas de poil. Ben c'est parce que c'est un chien là, je veux dire, ça se peut qu'il jappe, ça se peut qu'il perde son poil, tu sais. Ben en oui. fait, ça devrait être normal qu'il jappe à l'occasion puis qu'il perde son poil là. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a des gens des fois quand ils en ont jamais eu, mais tu sais on réussit à leur faire comprendre que tu sais c'est comme ça, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui adoptent quand même, on peut pas empêcher quelqu'un d'adopter. Nous, à moins qu'il y ait violence physique sur place ou des propos là, tenus là, ou quelqu'un qui arrive intoxiqué, là, c'est sûr que nous, on refuse l'adoption. Mais il y a plusieurs personnes qu'on peut faire changer d'idée ou qu'on peut ajuster leur désir ou leur croyance pour leur faire comprendre ouais. que un animal restera toujours animal. Un animal, là, c'est pas quelqu'un qui va te suivre nécessairement, le nez collé sur tes souliers puis qui va obéir systématiquement au doigt et à l'œil. Ils ne sont pas tous comme ça. Là. Non, non. Non. Non. C'est non, ça. Non. Ils ont leur caractère à eux. Il y en a qui vont être bien colleux, comme il y en a qui vont être pas du tout plus indépendants. Il y en a que ça va dépendre comment ils filent aussi. Là. Ouais. Ça, j'imagine, en zoothérapie aussi, tu peux le voir des journées où est-ce que... est-ce que ça t'arrive, Mélissa, en zoothérapie, par exemple, de une journée, ben le chien il file pas aujourd'hui. Est-ce que tu remets ou tu y vas avec un autre animal ou comment tu fonctionnes dans ce temps-là? En fait, moi, au départ, quand je rencontre les propriétaires, quand c'est pas mes animaux, là, parce que moi, quand je pense à mes animaux, si mon furet agit pas de la même façon le matin, je l'amène pas parce que lui, il aura aucun plaisir. Donc, tu sais, comme je vous parlais tantôt, moi, l'important, tu sais, on a des critères, sauf que on aime ça aussi, avoir des personnalités différentes. C'est sûr qu'il faut pas que l'animal vive de la grosse anxiété quand on l'amène parce qu'on veut pas qu'il soit mal là-dedans. On veut pas non plus des animaux tu sais, qui vont réagir de façon agressive si quelqu'un rentre d'une certaine manière. C'est sûr qu'on a des critères de base qui est important, tu sais, à respecter pour la sécurité des clients et pour le bien-être des animaux. Et là, j'ai oublié, c'était quoi votre question? Ben, comment tu fais justement le matin pour, admettons, ben cette journée-là, tu as un rendez-vous de prévu avec tel animal, puis non, il file pas aujourd'hui, ça, il n'y a pas le même comportement que d'habitude. En fait, moi, je m'entends toujours avec les propriétaires. T'sais, c'est sûr que si moi, je les appelle au début de la semaine, par exemple, je leur dis « Est-ce que Gaston est disponible mercredi matin? J'en aurais besoin pour une heure. » Ils me disent oui. Sauf que moi, c'est très clair avec eux. Tu sais, si... il s'est fait attaquer par un autre chien la veille, il agit pas de la même façon, s'il a l'air d'avoir de la sensibilité à quelque part, peu importe ce qui change dans son attitude, dans son comportement, il sera pas bien de venir en zoothérapie. Fait que, tu sais, il est pas disposé à ça. Donc, moi, c'est très clair. Tu sais, même si il se blesse 10 minutes avant que j'arrive, tu sais, je l'amènerai pas, je vais m'arranger autrement. On va prendre un plan B, je vais passer chez nous, je vais prendre mon lapin si lui est disposé. Mais vraiment, là, moi, en tout cas, dans ma pratique en zoothérapie, respect des animaux, besoin des animaux avant tout. Là, comme je te disais tantôt, un animal qui est pas bien ou qui aime pas faire ça, il viendra pas. Mm-hmm. Puis il y a des, comme je te disais aussi tantôt, il y a un certain nombre d'heures que moi, je mets à respecter, qui dépend de chaque animal, mais ils travaillent pas 5 jours semaine, 8 heures, là. Tu sais, c'est pas des objets, c'est des animaux, c'est des partenaires de travail avec lesquels, tu sais, de la même façon que si je travaillais avec un humain, je respecterais ses besoins à lui, donc c'est la même chose que je fais avec les animaux, là. La responsabilité, on va en parler, on va aller en musique et puis on va revenir avec la responsabilité de nous envers les animaux parce que c'est bien beau de lui mettre bien des affaires sur le dos des fois, mais reste que nous aussi, c'est nous autres qui tient l'autre bout de la laisse là, pour ce qui est des chiens. On revient tout de suite. On parle des animaux ce matin avec Mélissa Robitaille et June Gormley de la SPA et Mélissa Robitaille, zoothérapeute. Et puis, je parlais avant la pause de la responsabilité. Je vous ai vu les yeux grandir, devenir grand, grand, grand. La responsabilité envers les animaux, on en a une. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent? On prend, mettons, un exemple, la SPA. Oui. La responsabilité, comment vous sensibilisez les gens à se responsabiliser? Parce que quand on adopte un chat, par exemple, ça peut vivre. Moi, j'en ai une qui a, ben c'est sa fête aujourd'hui, elle a 16 ans, ma belle Minette. Ouais. Je l'ai eue, elle avait 5 semaines environ. C'est une petite perdue d'un garage à Montréal. Je l'ai rescapée de là, mais ça fait quand même 16 ans que je l'ai. C'est un gros contrat. C'est un contrat, oui. C'est un enfant. En fait, nous, on compare souvent un animal, ça restera toujours un enfant de 2 ans toute sa vie. Ben, c'est exactement ça que je pense aussi. Ouais. C'est drôle. C'est ça. J'osais pas le dire. Ouais. Mais en fait, nous, on le compare à ça parce que on constate qu'un animal va avoir des besoins tout le temps. Il ne servira pas de la mouler toute seule. Il va, à moins de détruire, de devenir destructeur ou de connaître tous les trucs, mais c'est une petite proportion des animaux là, qui sont comme ça. Mais c'est loger, nourrir, abreuver, les soins vétérinaires. Il faut prévoir un budget. Il faut être conscient qu'un animal, c'est pas j'adopte, ça me coûte par exemple 400 $. Je pars avec un kit qui me coûte 200 ou 300, dépendamment ce que j'achète ou le type d'animal. Ça peut aller beaucoup plus que ça, les frais, là, dépendamment dans quelle qualité on va puis quelle sorte de nourriture on donne. Oui, parce qu'il y a du fast-food là-dedans, comme il y a de la super bonne nourriture. Là, Effectivement, là, ça va de vétérinaire à McDonald's. Nous, on compare, là, nommer de sorte. Là. Mais c'est sûr que avoir un animal de compagnie, c'est des frais. C'est un investissement à tous les mois. Si Mélanie peut sûrement corroborer là, mes dires. Mélissa, Mélanie étant à ma droite. Mais non, c'est ça, c'est vraiment un investissement de tous les jours, de tous les mois. Et il peut avoir des surprises à n'importe quel moment. Ouais. On sort se promener dans la rue, une coupure sur la patte, un morceau de vitre, se brûle, se fait attaquer par un autre chien qui est moins bien dressé ou qui a eu une friction entre les deux. Il peut avoir des épisodes de douleur. Les animaux vieillissent comme nous. Tu sais, souvent, on peut comparer... moi, je suis pas vétérinaire, là, mais ni éducatrice là, en comportement et tout ça, mais tu sais, clairement, on sait que les animaux ont des maladies ressemblantes à celles des humains. Ils peuvent être mal dans leur tête, mal dans leur peau. Ils peuvent avoir des douleurs. Du diabète aussi. Diabète, les problèmes de thyroïde, reins, l'insuffisance rénale. Puis c'est des choses que, tu sais, à chaque année, plus ils vieillissent, ben, plus les rencontres chez le vétérinaire peuvent être nécessaires et fréquentes. Il faut être à l'écoute de leurs humeurs, de leurs habitudes aussi. Quand ils se mettent à changer leurs habitudes, puis c'est pas normal ou on n'est pas habitué à ça, se couche plus au même endroit. Ronronne moins, par exemple, dans le cas d'un chat, ça peut arriver. C'est ça, ben ronronne moins, ronronne plus, demande plus d'affection, comme il n'y en demandait pas. T'sais, déménager, c'est un stress pour eux. Accueillir un nouvel enfant, c'est un stress pour eux. Changement de travail, changement de routine, c'est vraiment comme un enfant. Là, pour ceux qui en ont, puis qui ont vécu certaines choses avec leurs enfants en bas âge, c'est vraiment similaire dans plusieurs cas. Là, fait qu'il faut prendre le temps avec eux de s'investir quotidiennement. Il faut que ce soit des membres à part entière de la famille. Là, pour nous, en tout cas, à la SPA, c'est important qu'ils deviennent des membres à part entière, là, qu'on les considère sur tous les points de vue, puis qu'on s'adapte à leurs besoins aussi. Bien, c'est votre combat aussi dans votre message. Là, c'est vraiment la responsabilité. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous faites, par exemple, si quelqu'un... Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'adopter, mais si, admettons, ça fait 3-4 fois que la personne revient, puis vous les reconnaissez, vous avez des dossiers en plus. Bien, nous, on a un système de blacklist qu'on appelle, là, de liste noire. Ah ouais? On a quelques noms, là, sur... évidemment, j'en nommerai pas aujourd'hui. Non, mais c'est on pas a ce vu, que je me demande. Non, mais on a vu certaines personnes au fil des années, puis il y a toujours les « orders » qu'on appelle, les amenceurs compulsifs, qui existent aussi chez les animaux. C'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on vit à la SPA. Moi, ça fait 11 ans que je suis là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là, je pourrais vous en compter, vous en compter des belles et des moins belles, des histoires. Mais oui, il y a des gens qu'on reconnaît. Puis il y a des gens qui adoptent des animaux pour les revendre plus cher quand c'est des animaux de race. C'est quelque chose qui a peut-être... J'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est des choses qui ont peut-être diminué au courant des dernières années parce que maintenant, tous nos animaux sont stérilisés. Avant d'être adoptés, les chiens, les chats, fait que les gens sont moins portés à adopter des animaux de race parce qu'ils peuvent pas se reproduire. La micropuce, je pense, c'est... Micropuce maintenant aussi. C'est pas obligatoire ici sur le territoire de la ville de Québec. C'est quoi exactement? Parce que moi, justement, ben, vous l'aurez compris, sont rendus vieilles chez nous. Puis c'était pas le 15-16 ans, c'était pas en mode, c'était pas nécessaire. Ça sortait, non, c'est ça. Mais en fait, je crois que la ville de Laval qui vient de sortir un nouveau règlement qui prévoit que les animaux seront obligatoirement stérilisés micropuceux dépendamment des cas. Là. Mais la micropuce, c'est environ gros comme un grain de riz. Nous, ici, au Québec, au Canada, c'est implanté habituellement entre les deux omoplates. Ça va migrer un tout petit peu dans le corps, mais ça se rendra pas jusque dans les pattes ou au bout de la queue, là, par exemple. C'est quelque chose que l'animal ne peut pas perdre, puis on ne peut pas lui retirer. Donc, ça fait quoi? C'est un numéro à 16 chiffres qui est comme... C'est vraiment... C'est un scan. Pucée, là, nous, à tous les animaux qui rentrent dans tous les refuges éthiques ou dans les cliniques vétérinaires, si un animal entre comme animal trouvé, il va être scanné. Ça sort un numéro à 16 chiffres. Puis ce numéro-là est toujours attribué à un propriétaire. Comme moi, mes chats sont micropucés. Si je l'apporte à la SPA pour le faire tester, voir si la micropuce a changé de place, ben il va sortir le numéro à 16 chiffres. On se rend sur le site Internet parce que dépendamment du début du numéro de la micropuce, comme par exemple le 956, c'est attribué à la compagnie IDAP, IDAP, puis on va dans les dossiers IDAP, on sort, là, ça dit John Gormley, résident à telle adresse, tel numéro de téléphone, un chat qui ressemble à telle description, a été micropucé à tel âge, fait qu'aujourd'hui, il y aura environ tel âge. Fait que là, les gens peuvent, les refuges, dans le fond, là, qui sont vraiment éthiques, ils peuvent retracer des propriétaires. Nous, d'ailleurs, je dirais dans les à peu près 5-6 dernières années, on a eu 3 belles histoires par rapport à ça. On a retourné un chien qui avait été volé en très bas âge au Nouveau-Brunswick. On a retourné cet été un chat que les gens étaient venus en vacances en véhicule récréatif sur la côte de Beaupré. Puis quand ils ont quitté, le chat s'est sauvé la veille de leur départ à Toronto. Puis il est revenu chez nous comme animal trouvé. On l'a scanné, on l'a retourné en Ontario. Ils sont venus c'est chercher. C'est vraiment pratique, là. Ouais. C'est mieux que en Europe aussi. C'est encore mieux que le collier. Là, mais en fait oui, c'est ça. Parce qu'au moins, la micropuce, il ne peut pas la perdre. Par contre, c'est sûr que si l'animal rentre dans une maison puis quelqu'un se l'approprie, comme malheureusement trop de gens font, comme les gens font trop souvent parce qu'ils se disent, ben c'est sûr qu'il est abandonné, mais c'est pas sûr qu'il est abandonné. Tu sais, des fois, c'est un vol, les chats fly, tu sais. Ils sauvent un accident de voiture, les chiens sortent de la voiture. La SPA, en terminant, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, vous avez une soirée, un cocktail bénéfice. Oui, jeudi 11 mai. Soirée Vino et Cabot. Oui. Le 11 mai, justement, de 18h à 21h30, à peu près. Bon, ça peut aller un peu plus loin. Oui, ben, ça dépend. J'ai quelques fêtards à l'occasion. Mais c'est la 11e édition cette année de la soirée Vino et Cabot, un cocktail bénéfice qui vise à amasser des sous pour voir perdurer le refuge, en fait. Là, pour ces qu'on sous-là, puisse... ils servent à quoi? Ils s'en vont où rénovation? Exactement? Ben, en fait, aux soins place, aux animaux. C'est tout petit. Là. C'est pas très grand. On a environ peut-être un 6500 pieds carrés là, de mémoire. Là. On veut agrandir de l'intérieur, rediviser. Il nous reste la section des chiens à faire en arrière. Fait que c'est vraiment des sous qui sont investis pour les soins aux animaux. C'est sûr que dans les soins aux animaux, parce que souvent les gens nous le disent, dans les soins aux animaux, ça prend des gens pour s'en occuper. C'est sûr. Oui, ça paye des salaires. Vétérinaires, techniciens, médicaments, chirurgie, micropuçage, tout ce qui touche là, les soins aux animaux, parce que maintenant, là, on les soigne vraiment jusqu'à ce que ça ne soit pas plus possible pour un animal là, d'être traité. C'est plus poussé qu'avant. Là. Oui, avant, c'était pas... Beaucoup d'améliorations chez nous de ce côté-là. Puis on est vraiment heureux de ça. Puis on a des très belles histoires qui se répètent à chaque semaine. June Gormley de la SPA de Québec et puis Mélissa Robitaille de... mon Dieu, ça klaxonne, hein? C'est ça, hein? Être sur un coin de rue, aux différents, ça klaxonne. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont bien entendu, mais on l'entendait très bien. Mélissa Robitaille aussi, on peut te contacter pour service d'intervention, Mélissa Robitaille. Je vais mettre le lien de ta page Facebook aussi. Si les gens veulent te contacter, c'est quand même ouvert là, pour les gens là, qui peuvent avoir recours à tes services. Oui, certainement. En fait, il y a ma page Facebook aussi où on peut voir des exemples d'interventions, les partenaires avec lesquels je travaille, puis toutes les coordonnées sont là aussi. Là, donc, on est ouvert autant pour les familles que pour les établissements sans problème. Merci beaucoup, mesdames. Puis, bien, c'est déjà terminé. On a fini. Ça va très vite. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci aux différents d'avoir assisté à cette émission avec où est-ce qu'on parle des animaux. On n'a pas parlé tant de différences que ça aujourd'hui, mais on a parlé des animaux. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? On les aime. C'est tout pour cette semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parle vraiment d'un autre sujet. On parle d'argent. C'est tout ce que j'ai à dire. Bye bye.